Bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, je vise plus sommet. Mon cœur fait oulalala, crime passionnel que je commets. Sur ton cœur, je fais trop de poulettes, je fais tache de sang sur le pull. Je désire nullement vous connaître, ni toi ni ces fils de pute. Je me tire d'ici si je m'écoute, sans corps mélanger bougnoul. La lune, j'aime plus, je vous la laisse. Je m'endors sous doré, sous nul. Je suis ni de chez moi, ni de chez vous. Elle veut la bise avec, je la baise. Je connais la route, je connais l'adresse. Je t'encule sur le continent d'Hadès. Sale comme ta neige, neige courte. Forte comme la peuf, j'écoute. Je tire la gueule, je n'écoute que mon âme seule, mec tout. Je vis dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde. Je meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe. Ego, pourquoi toi tu parles en ego? Si ça se tue, ouais, dis-moi qui signe. Pas d'honneur, toi tu sens d'ici. Wallah, baba, m'a dit mon fils, non, non. Toi pas calculer ses pétales. Moi j'ai donné pendant longtemps, puis j'ai perdu mes pétales. ODD, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, tu zisses les pectoraux gainés. Les bacs que t'es parce que les Yankees ne tomberont jamais sans messagerie. Un poteau démarre dans la jungle, j'y suis H24, j'y fais des singeries. La rue, je la dévalade tout à l'heure avec du Gucci comme Mitch. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches. Que la famille, personne ne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Toujours dans mon enfant parce que je suis baisé par Panin. Sans le bénéfice de la rue, j'aurai jamais niqué le gramme. Sans pas être humain, pas comme Hugo habité. Tiens, tu sens vidé. Oh, Dédé, Dédé, deuxième neveu, forcé. T'as reconnu le cri côté animal. Merde, je connais le prix, le canon animal. Oh, Dédé. Que la famille dans le bâton te la pousse d'aide. Oh, Dédé, pas mélangé, cœur d'étranger, rien n'a changé. Ce qui doit arriver va arriver. C'est peut-être mon dernier album. Peut-être ma dernière putain. Peut-être mon dernier sourire de toi. Dans mon gars, dans mon gars. Pas plus de haine que d'amour que j'argue entre mes tours. Moi du matin, minuit, je sors casser mon tour sur un nuage de l'enfer. Viens se casse mon frère, avant qu'on se perde. ODD, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, tu zisses les pectoraux gainés. Les bacs que t'es parce que les Yankees ne tomberont jamais sans messagerie. Un poteau démarre dans la jungle, j'y suis H24, j'y fais des singeries. La rue, je la dévalade tout à l'heure avec du Gucci comme Mitch. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches.